343, role-playing and reinvention of the story. Listen to a sample dialogue with Fido, the dog. Alors, Fido, nous allons apprendre le français? Mais non, Fido, nous n'allons pas apprendre l'arabe, nous allons apprendre le français. Et pour apprendre le français, nous allons aller à la fac. Quoi? Quoi? Non? Alors, nous allons aller en France, ça va être très amusant. En Afrique? Bon, pourquoi pas. Nous allons aller en Afrique. Nous allons avoir des amis africains. Un éléphant? Nous allons avoir un éléphant? Bon, d'accord. Nous allons avoir un éléphant. Et tu vas manger l'éléphant? Mais non, Fido. Tu vas être malade. Copyright 1994, Yale University.